Un beau jour, M. Rivet fit voir à Mademoiselle Fischer un dossier et lui dit « Vous avez à vous Wenceslas Steinbock, pieds et poings liés, et si bien qu'en 24 heures vous pouvez le loger à Clichy pour le reste de ses jours. » Ce digne et honnête juge au tribunal de commerce éprouva ce jour-là la satisfaction que doit causer la certitude d'avoir commis une mauvaise bonne action. La bienfaisance a tant de manières d'être à Paris que cette expression singulière répond à l'une de ses variations. Une fois le Livonien entortillé dans les cordes de la procédure commerciale, il s'agissait d'arriver au paiement, car le notable commerçant regardait Wenceslas Steinbock comme un escroc. Le cœur, la probité, la poésie étaient à ses yeux en affaire des sinistres. Rivet alla voir, dans l'intérêt de cette pauvre Mademoiselle Fischer, qui, selon son expression, avait été dindonnée par un Polonais, les riches fabricants de chez qui Steinbock sortait. Or, secondé par les remarquables artistes de l'orfèvrerie parisienne déjà cités, Stidmann, qui faisait arriver l'art français à la perfection où il est maintenant et qui permet de lutter avec les Florentins et la Renaissance, se trouvait dans le cabinet de Chanor lorsque le brodeur y vint prendre des renseignements sur le nommé Steinbock, un réfugié polonais.